m'a dit quelqu'un. D'autres pensent qu'il faut mieux mourir de mort que de mourir d'amour. Alors puisqu'il faut mourir un jour, quitte à mourir, autant mourir d'avoir trop fumé que d'avoir trop aimé. Mourons ensemble lentement, de trop de fumée, de trop de folie, de trop de passion pour un bonheur éphémère. Je fume et alors, il faut mourir de quelque chose, m'a dit quelqu'un. D'autres pensent qu'il faut mieux mourir de mort que de mourir d'amour. Alors puisqu'il faut mourir un jour, quitte à mourir, mourons ensemble lentement pour un bonheur éphémère. Mourons avec notre arme, partons avec un bonheur choisi plutôt qu'avec un bonheur subi. Je penserai à toi jusqu'à la prochaine, qui a choisi la passion, qui mourra pour ses raisons. Jusqu'à la prochaine, je penserai à vous. Je penserai à toi qui a choisi la passion, qui mourra pour ses raisons. Je fume et alors. L'amour à la mort, la clope de la mort. L'amour à la mort, l'amour de la clope de la mort. L'amour de la mort, la mort de la clope. L'amour à la mort, la clope de la mort. Je fume et alors, mourir de quelque chose.